Là où les dames parlaient des îles comme d'amour ou des textiles. Là où elles déballaient des océans turquoises, prêtes à glisser sur la mer d'Iroise. Là poussant leur voix poussiéreuse, elles commençaient déjà à disparaître. Là elles se dégonflaient lasses, la peau dégoulinante sur leur petite carcasse. Elles accrochaient quelquefois un nuage à leurs doigts, car le monde à la fenêtre continuait à tourner, continuait à tourner, continuait à tourner. Là où les dames parlaient d'eau de rose, de petits amours à peine accouchés. Là où une vieille chanson joue des petits bouts du passé. Elles n'ont plus d'armes dans les yeux, mais des reflets funèbres. Là elles déballaient des océans turquoises et se laisser emporter. Elles accrochaient à leurs doigts des anges qui volaient par là. Et le monde à la fenêtre continuait à tourner, continuait à tourner, continuait à tourner.